souffri dans la ville. C'est parce que moi mais en pile belle fille. Moi ta rien me connaît. Si c'est quoi tout garçon. Si m'a souffri dans la ville. C'est parce que moi mais en pile belle fille. Moi ta rien me connaît. Si c'est quoi tout garçon. Dans la vie messieurs, souffrance garçon pas jamais. Mais son quoi?